Les lièvres et les grenouilles. Fable. Un jour, les lièvres assemblés se lamentaient sur leur sort. Nous autres lièvres, disaient-ils, nous sommes toujours en butte aux poursuites des hommes, des chiens, des aigles et de tous les fauves. Mieux vaut mourir que de vivre en de pareilles transes. Allons, frères, noyons-nous. Et les lièvres se précipitèrent au bord de l'étang afin d'exécuter leur projet de suicide. Les grenouilles, entendant les lièvres, se jetèrent toutes dans l'eau. Alors, un des lièvres s'écria « Halte là, mes enfants! Attendons encore pour nous noyer. Vous voyez que la vie des grenouilles est encore plus troublée que la nôtre, puisqu'elles ont peur de nous. »